cherche le frisson de sa première belle, calée dans un fauteuil facile. Je veux m'évader, je me rappelle. D'éternité, celle que je bouillonne d'embrasser.